knowledge, knowledge. Let knowledge increase. Teach the youth them right. Teach the youths in school. Can't blame the teacher. The teacher only teach them what they teach them to teach. I learn from the wise and I learn from the fool. But you educated fools in educated school. No, I used to say something you have to pay dear for your company. In educated school. But when you learn in the street, you get it in the grapevine. Lord, you get it from the grapevine. Nowadays they call it hard knocks. I call it hydrodurbs. You educated fools, move in educated schools. Educated fools, in educated fools. We want justice. Yes, we want justice. We want love. We don't want no peace. We want the whole life. We want love. We want justice. Come here, we want love. We want justice. You educated fools in educated schools. Traveling about Babylon. Following a traveling about Babylon. Everyone want to be a doctor. Everyone want to be a lawyer. Everyone want to be a clerk, a court. Everyone want to be a judge, but we want justice. We want justice. So, warring, famine, it's not dynamic. No. Educated fools. What you teach, what they teach you. What you teach them to teach. What you teach them to teach. When you talk about equal rights, human rights, and civil rights. We want justice. Yes, we want justice. And we want love. We need justice. Justice for one, justice for all. No class, no race, no creed and color. You educated fools. I don't have no degree in your agree. I don't have degree for you to agree. Like them. a small world with a lot of things in it. There's two worlds in front of you. You got the good and the bad. Which one do you choose? Which one you wanna have? More peace, that's all I ever wish I had. More peace, less balance, keep me glad. Nowadays they don't respect it. Big gun in their waist, that's what impressed them. With long money for days in this profession. When the shots come for war, me, I beg y'all bless them. Too much blood is shed and it's depressing. The greater things them torn in this direction. The shot that hits them hot and that's no question. C'est contagieux. Fréquence 7. C'est contagieux. Fréquence 7.

son maman bébé, aucun ne sonne comme nous. Beaucoup de son dans ma vie, mais aucun ne sonne comme nous. Décalé. Mais pas pareil. We all say I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all your heart to give to you. Oh, they shine brighter than the stars above. I hope you know what you do when you're turning your back on my love. And in the garden, down by the pond, when the sun comes to an eclipse, well, I hope you'll respond to the kisses that I lay on your lips. And your sister says they were thunder when you were born. Sometime around the fall of 1979. And now there's a magnetic storm. When you rest your sweet body on mine, and in a garbage can, under trash and paper, there is a wounded man with his face on fire, and he looks down on me and he says that he's better off to wait than me with a love like yours. If you go, Andre. fréquence 7, différente et associative. Thank you. this, love it like that. Love when the vibes are sting with them, when love when the vibes are shock. Take it from the top until the very last drop. When I tune at we have to lick it back. Music with a good vibration, we come for rock the nation. From generation to generation, we bring the vibes stimulation. Celebration for the code of action with no discrimination. Elevation, no limitation. Perfect with the navigation. Sitting for the rhythm of the center for the version. Just like a ship for the ocean. Rock your body, your mind, your soul. We're paint a picture, high definition. Judge a guide me for my mission. Till they reach my destination. Give me the wisdom, give me the knowledge. Give me the vibes, I'm giving the vision. We burn it up, everywhere we turn it up. Up to the bottom, them can't fed up. Because we keep it rock, I'm up. Burn it up, everywhere we turn it up. Them I say, them I show we love in the festivals and club. Burn it up, everywhere we turn it up. To the man, them can't fed up, because we keep it rock, I'm up. Burn it up, yes, we have to turn it up. The people that show we love in the defense and in the club. I'm a never gonna brother with a never gonna smother. There could never be another son of father by the mother. I'm the real tapper tapper and the cream to the copper. I'm a never gonna stop and the chief to the rocker. Come and do the thing proper, man, the itch, man, the stutter. From the gutter to the butter, come and act like summer. Lyrics and steez, can't win it with the ease. I'm never gonna freeze, come and cool like breeze. Do it for the birds, I'm a do it for the bees. Do it for the hustlers, do it for the G's. Jam Rastafari, blaze up the G's. I'ma get down to John, give me everything we need. We will come and dance, we don't even make weed. We bring the high grade VIP. 24 hours, 7 days in the week, 4 weeks in the month, we blazing deep. You know my seeds, where's up the weave? Making so many, I make it say, oh, please get it with the seed, in the beat, make it feel sweet, make it fit. Make it feel like you're in a breed. Never gonna leave, never gonna get it in a whoop. Like the IG, jumping in peak, take it to a level you just won't believe. Boom! We burn it up, everywhere we turn it up. To the bottom, can't fed up, because we keep it rock, I'm up. Burn it up, everywhere we turn it up. People laugh and show we're loving, and they press and in the club. Burn it up, everywhere we turn it up. People laugh and show we're loving, and they press and in the club. Burn it up, everywhere we turn it up. Till the bottom, can't fed up, because we keep it rock, I'm up. Pull up, Summertime flavor. Big up all of the massive valley crew and all the raver. Summertime flavor. Get about that, get about mocha, we are the vibes creator. Burn it up, everywhere we turn it up. To the ball, them can't fed up, because we keep it ragamuff. Burn it up, everywhere we turn it up. People laughing, show we love in the fest and in the club. Burn it up, everywhere we turn it up. People laughing, show we love in the fest and in the club. Burn it up, everywhere we turn it up. To the ball, them can't fed up, because we keep it ragamuff. Music with a good vibration, we come to rock the nation. Generation from generation, bring the better simulation. Celebration for the code of action with no discrimination. Elevation with no limitation and perfect navigation. Set up on the rhythm, I'm a set up on the version. Just like a ship on the ocean, I move your body and your mind and your soul with perfect definition. Guide me for my mission till me reach my destination. Give me my wisdom, give me the knowledge, give me the vibes and give me the vision. Me burn it up, everywhere we turn it up. To the ball, them can't fed up, they can't we keep it rock, I'm up. Burn it up, everywhere we turn it up. People laughing, show we love in the defense and in the club. Burn it up, everywhere we turn it up. People laughing, show we love in the defense and in the club. Burn it up, everywhere we turn it up. To the ball, them can't fed up, they can't we keep it rock, I'm up. Alors poulette, on écoute Fréquence 7. pedalería, abre el camino. We'll be right back. 07 Vibes, c'est sur fréquence7.net. www.fréquence7.net. Summertime is that time of the year again. On the sunshine, there's no more snow and there's no more rain. I take a walk to take a look at the lake. Feel the cool breeze in every breath that I take. Mother Nature offering the best slice of the cake. I consume it all day without taking a break. Long days, short nights, everything is alright. Let's have a good time, no need to fuss and fight. Ladies looking nice, spicing up the paradise. Like the sun, they shine so bright, yeah. Summertime, summertime, summertime, summertime, summertime. Summertime, summertime, summertime, summertime, summertime. With that 70 degree temperature, let me feel the real joy of Mother Nature. Give me a pen, I wanna go on a lyrical adventure. Let me sit down and come up with some deep literature. With the use of my words, let me paint a picture. Yeah, listen to me like I'm a teacher. Travel wide in my mind through the waves and the tides, through the signs that lead me to the positive vibes. So cities like honey dripping from a beehive. Sit back, I wanna take you. Summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime. Summertime, summertime is that time of the year again. On the sunshine, there's no more snow and there's no more rain. I take a walk to take a look at the lake. Feel the cool breeze in every breath that I take. Mother Nature offering the best slice of the cake. I consume it all day without taking a break. Long days, short nights, everything is alright. Let's have a good time, no need to fuss and fight. Ladies looking nice, spicing up the paradise. Like the sun, they shine so bright, yeah. Summertime, summertime, summertime, summertime, summertime. Summertime, summertime, summertime, summertime, summertime. Hit me with that 70 degree temperature. Let me feel the real joy of Mother Nature. Give me a pen, I wanna go on a lyrical adventure. Let me sit down and come up with some deep literature. With the use of my words, let me paint a picture. Yeah, listen to me like I'm a teacher. Travel wide in my mind through the waves and the tides. Through the signs that lead me to the positive vibes. So sweet is like honey dripping from a beehive. Sit back, I wanna take you on a musical ride. Summertime, summertime, summertime, summertime, summertime. Summertime, summertime, summertime, summertime, summertime. Summertime, summertime, summertime, summertime, summertime. Summertime, summertime. And planning it is temporary. Sitting and ciphering to hold me down when necessary. Cause I'm favored by the Most High King Celestia. You guide me step by, I'm ever blessed in every category. Judge a blessing, never let me down. Hey, every day I wear a smile and never wear a frown. Them working hard overtime to see me underground in a glass ocean showing stones. What you reap is what you sow. Oh, oh, planting ain't not expecting it to grow. Yes, you reaping what you sow. Oh, oh, tearing down and fighting, that is all they know. What you reap is what you sow. Just give it time, cause it will attend to you. Yes, you reap in what you sow. Oh, oh. Yes, you reap in what you sow. Oh, oh. Nowadays, smiling face can mean danger. Just a loyalty get crushed up like a paper, a same so. Feed out the kind, should I say, Lord, the savior. If it up to them, them would have killed him from the manger. But judge a blessing never lets me down. Every day I wear a smile, I never wear. Is what you sow. Oh, oh, planting ain't not expecting it to grow. Yes, you reaping what you sow. Oh, oh, tearing down and fighting, that is all they know. What you reap is what you sow. Oh, oh, just give it time, cause it will attend to you. Yes, you reaping what you sow. Oh, oh, yes, you reaping what you sow. Oh, oh. Oh, avec ce temps, rien que de penser au travail, ça me fatigue. Fréquence 7, la grille d'été. Thank you. êtes bien à l'écoute de Fréquence 7, il est 19h et tout de suite on va retrouver les rediffusions d'été de Direct Jazz. Thank you. Monsieur, madame, merci. Bonsoir, madame, messieurs. Vous êtes à l'émission Direct Jazz, émission de la radio libérale belassienne. Fréquence 7, je suis avec Sylvain, toujours aux manettes. Salut, Sylvain. Salut. Va bien? Bien, et toi? Pour nous, c'est le printemps. Puis pour vous aussi, cher public. Et puis, plantons. Aujourd'hui, notre invité, c'est Jean-Loup France. Salut tout le monde. Yeah, Jean-Loup à la guitare. Salut, cool. Salut. Bon. Salut, Pierre. Salut. Cool. Ça va? Bien. T'as commencé à planter? je récolte. Non, planter. Non, on fait pas. Ton jardin? Pas de jardin. Ouais. Non, tu fais pas de jardin? Je suis sous les pins, je suis sur le rocher, donc rien qui pousse, c'est la misère. Ouais. Ok, la misère, misère. Les pins. Les pins, c'est bon. Les oliviers. Alors ça va, Jean-Loup? Ouais, ça va. Tout va bien? Ouais, c'est. Tu joues de la musique? Un peu. T'aimes ça, la musique? Beaucoup, mais non. Ouais. Beaucoup? J'ai beaucoup de musique, ouais. Ouais? Ouais. T'arrêtes pas? T'aimes ça? T'es content? Ouais. T'as joué hier avec Vito, avec Otavio. J'ai élargi un peu, là. Je fais un peu, Brésil, un petit peu pop aussi, maintenant. Et, hier, c'était avec la Roda d'Otavio au Bénin, C'était cool. Cool. Avec son grand groupe, là. Ouais. Brésilien. Ouais, la Roda, on est 8. OK. Accordéon, violon, flûte traversière. Yeah. Quinho, pandero. Puis c'est quoi la musique que vous faites? Des arrangements? Choro. Oui. Choro. Que Otavio écrit ou c'est des trucs que vous achetez? C'est écrit, c'est écrit. C'est des parts. Des parts que vous achetez. Avec, jusqu'à la coda, tout est écrit. Ouais. Tout est écrit, c'est un petit peu d'impro, mais sinon, c'est beaucoup écrit. Ouais. Ouais. OK. Voilà. Bon. Puis sinon, qu'est-ce que tu fais comme musique pop? Et sinon, pop, là, c'est nouveau. On attaque à trois là, avec Amélie, une chanteuse, au téléphone. Et Christophe. Ouais. Jean-Christophe. Et Jean-Christophe, là, on reprend des Beatles. Une copine qui chante. Amélie Rochette, ouais. OK. Donc ça aussi pour moi c'est nouveau parce que là c'est pas mon univers, mais donc du coup je me frotte un peu à la pop. C'est quoi ton univers? Mon univers c'est le jazz. Yeah. C'est le jazz. T'aimes ça le jazz? Pourquoi t'aimes ça le jazz? J'ai toujours, ça fait déjà peut-être 30 ans, ouais. Ah ouais? Que j'écoute un peu Jim Hall et puis un peu les guitaristes qui descendent un petit peu de Jim Hall. Ah ouais. Je sais pas, ça te parle, Jim Hall? Oui, ça me parle, Jim Hall. C'était un super gratteux, ouais. Jim Hall. Et c'est vrai que à fond les manettes, hein, jazz un peu, l'univers de Jim Hall, calypso, blues, tu vois, le mélange un petit peu, là. Ok, tu joues de la guitare depuis toujours? Et cette passion de la guitare aussi, avec les archtops et guitare jazz et ce son un peu particulier. Ouais. qui est pas rock'n'roll pour le coup, non. Mais bon, qui passe bien, Puis je vois que t'as une guitare semi-acoustique, on peut dire, on peut appeler ça comme ça. C'est une guitare elle se joue sans être amplifiée facilement, C'est ça, qui est c'est une guitare en plus qui a la particularité d'avoir été 100% made in Ardèche. Ah. À luthier, là, que je salue, Eric Michel, qui est à Saint-Andol-de-Vals. Oui. Et on avait d'abord cette guitare sur plan complètement avec mes choix, mes envies, mes goûts, tu vois. C'est la congratulation d'un guitariste, hein, d'avoir l'instrument qu'il a envie d'avoir et qui lui ressemble. Puis c'est quoi? Je vois que c'est pâle devant. Est-ce que ça serait de l'érable devant? Non, devant c'est de l'épicéa et derrière c'est du cerisier, ouais. C'est du cerisier, cerisier. Okay. Ouais. Là, enlève ta main droite, il y a une sortie là, en haut. Ça? Ouais. Ah, il y a des trous de partout, chers auditeurs, dans sa guitare. Il y a beaucoup de luthiers américains. On dirait un fromage. Qui font ça, ouais. C'est sur les éclisses et il y a des, ils appellent ça éclisses. Enfin, non, comment ça s'appelle? Il n'y a pas juste un trou au centre derrière. Il y a des trous partout, en fait. Entre le micro et le chevalet. Tu récupères le son un petit peu là, par l'éclisse de la guitare, en fait. Ouais. Donc, pour l'acoustique, c'est super, ouais. Soundport, c'est un mot encore anglais, ça s'appelle soundport, comme ça. Comment ça s'appelle? Soundport. Song, S-O-N-G? Sound port. Je suis pas très bon. Okay, le port du son. Le son est sound port. Ouais. Port, P-O-R-T? Je crois. C'est le port du son. Je sais pas. En fait, le transport du son. C'est ni plus ni moins qu'une église sur c'est sur l'église, une rosace sur l'église, en fait. Elle est belle. Elle est belle. Tu es content, tu l'aimes? Je l'aime beaucoup. Parce que ça fait longtemps que tu l'as? Non, c'est depuis octobre. Ah, 2000, c'est tout récent. Ouais, il faut la jouer, il faut qu'elle sonne un peu, elle est jeune. Ouais, ouais, j'avais une super guitare avant, que j'ai toujours d'ailleurs, le luthier aussi, une Jacobacci. Donc celle-là, voilà, elle est plus récente. Quand on a des instruments qu'on aime, il ne faut pas les vendre, les gars. Ouais. Il ne faut jamais vendre nos instruments. Moi, j'ai vendu deux fois une trompette. Deux trompettes, j'ai vendu, je le regrette encore aujourd'hui, parce que j'avais pas d'argent. J'avais besoin d'argent, j'ai vendu des trompettes. Ah, mon Dieu, t'es mieux de vendre, je sais pas quoi, mais pas ta trompette, pas tes instruments. À moins qu'elles soient pas bonnes, là, tu le vends à un élève. Si. Elles sont pas bonnes, t'es vends aux élèves. Non, c'est une blague, les gars, c'est pas en vrai. Plus, j'ai jamais fait ça. Non, mais je vais suivre ton conseil, parce que c'est vrai que cette guitare, elle m'accompagne depuis... J'avais 23 ans quand je l'ai achetée d'occasion. Ouais, faut pas que tu la vendes, tu vas te mordre les doigts, moi. J'ai joué toute ma vie dessus, jusqu'à maintenant, quoi. Et c'est vrai que non mais après, si tu veux, je suis pas dans le besoin, donc je peux la garder le maximum. Non, mais c'est vrai que tu fais 3-4 jobs de plus, puis gardes des instruments. Ouais. Non, mais c'est important, je pense. Non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui le disent, ils sont séparés de la guitare et puis après ils le regrettent, ouais. C'est dur. Disons, il faut que je la joue, quoi. Ouais, il faut que je joue dans pas mal de groupes et que j'utilise toutes mes guitares. Ouais, parce que on s'habitue à l'instrument aussi. Des fois, on dit que l'instrument, il va s'ouvrir. Bof, moi, je suis moins d'accord avec ça que le fait qu'on s'habitue à jouer un instrument. Ah. C'est nous qu'on maîtrise de plus en plus l'instrument. Ah. L'instrument, lui, est bon. Ah, ça vieillit, hein. Ça vieillit bien. L'instrument. Sur, peut-être plus toi que moi. Ah, parce que la guitare, elle demande à être jouée, elle demande à vieillir, le bois, il faut qu'il se mette en place. C'est du bois, hein. Ouais. Ça a plus de. Mais, que moi. Mais là, c'est vrai que pour le coup, comme elle est très récente, tout de suite, là, j'ai un son qui est complètement. Qu'est-ce que je recherche, en fait. Hein, comme mon bois que je viens de recevoir, qui brûle pas dans mon poêle. Vert. Après, tu sais, c'est du bois qu'ils ont en atelier depuis quelques années. Il a commencé à sécher, quoi. Ouais. Mais en fait, le fait de le coller et puis de l'assembler, il faut le temps que tout se mette en place, quoi. Donc, elle part souvent en réglage, en fait. Hein. Ah oui. Hein. Ouais. Mais c'est des petits réglages, tu vois. Mais c'est vrai qu'il faut, pour le coup, il faut choisir un luthier pas trop loin de chez soi, quoi. Parce que sinon, après, il faut faire. Faut faire des kilomètres. Ou tu l'envoies par la poste, par le train. elle revient en 8 morceaux. Ouais. Putain. Ok, Jean-Loup, écoute, tu nous as apporté de la musique. Ouais. Qu'est-ce que t'as amené pour nos chers auditeurs? Donc je pense qu'on pourrait commencer par le premier, là, ça serait Jim Hall. Donc en fait, Jim Hall, c'est un enregistrement qui est un peu ancien, hein, qui est de 98, mais qui est assez moderne aussi dans la musicalité, là, donc avec le New York Voice. Donc c'est y a des voix et des voix sublimes sur cet album. Et là, c'est un morceau de Bill Evans, Vals for Debbie, je crois. Vals for Debbie. C'est ça, Vals for Debbie. Ben, ouais. Ok. On s'écoute ça alors? On écoute ça, merci Sylvain. C'est cool. Where are all our worried frowns that we wear? is island music. Songs that are spun of gold somewhere in her own little head. Direct Jazz, bonsoir mesdames, messieurs, je suis avec Jean-Loup France à la guitare. On vient d'écouter Jim Hall avec, un ensemble vocal qui s'appelle les New York Voices. Tu me disais pendant qu'on écoutait ça que Jim Hall, il avait eu beaucoup de... il était financé par sa compagnie de distribution. Ouais, sur une période avec Taylor, quoi, ça a duré 4-5 albums, alors ça a duré 4-5 ans je pense, ouais. Ils ont fait des trucs avec des cuivres, avec des cordes, des voix. Ouais. Ouais. Cool. Comment ça s'appelle? Qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver ça sur YouTube? C'était dans les années 98, alors je sais même pas si il devait y avoir du YouTube, mais... Oui. Non, après, c'est vrai que, ouais, sur Spotify, tu dois retrouver peut-être les albums, mais encore, je suis même pas sûr, mais... Jim Hall, ça s'écrit Jim, J-I-M, Hall, c'est H-A-L-L, Jim ouais, Hall. Tout simplement. Écoutez ça, les enfants, c'est beau, on aime ça. Ah, oui. Jim Hall, il est décédé en 2013, ouais. À l'âge de 82 ans, tu me disais. 83 ans, voilà. Mmh. Merci, Jim, thank you very much, Jim. Yes. Merci, les gars, de nous faire de la belle musique comme ça. Mmh. Un qui vient de partir, c'est Wayne. Eh oui. Wayne est parti à l'heure 92, 93. Peut-être, ouais, je sais pas trop. Wayne Shorter, il nous a quittés. Comme Antoine m'a dit, c'est Antoine qui m'a appris ça, Antoine Bresson, il m'a dit, Wayne a quitté son corps. J'aime ça comme expression. Merci Antoine, c'est beau. Wayne a quitté son corps. Il n'est pas parti, ouais. Il a juste quitté son corps. C'est beau. Ouais. Ah oui, c'est la vérité. Toujours parmi nous, hein, ça c'est clair, c'est des... des références suprêmes. Ah ouais. Et sublimes. Ah ouais, c'est beau. Ouais. Moi, j'aime beaucoup les albums de Joni Mitchell. Mm-hmm. Puis Wayne, il joue le soprano. Mm-hmm. Puis il fait 3-4 notes. Puis t'es content. Puis c'est beau. Puis c'est beau, tu sais. Puis voilà, OK. Super, ouais. Puis toi, t'es un gros travailleur au niveau technique, instrumental. Est-ce que t'aimes ça jouer? Est-ce que tu joues de la guitare à chaque jour? Ah ouais, je prends tous les jours la guitare, ouais, ça tout c'est. Le temps. Ah ouais, tout le temps. Tout le temps, et ouais, je joue ouais, beaucoup les standards, mes standards, les trucs, et puis les répertoires, parce que bon, j'ai plusieurs répertoires à travailler, mine de rien. Donc, ouais, c'est. Elle est souvent sur mes genoux. Ouais. Tu y vas quotidiennement. Quotidiennement, ouais. Ouais, hein? Ouais, je pense, hein, quand t'es musicienne, t'as toujours ce moment à partager avec ton instrument, et puis voilà, ta musique. Et... Alors après, c'est vrai que le sublime, c'est après de retrouver les potes et faire la musique avec des potes, avec des musicos, quoi. C'est pas pour jouer tout seul dans ta chambre, quoi, ou dans ta piole, hein. C'est faut ça, les deux. C'est le partage. Faut travailler et ça. Et après, beaucoup, et après ça, le public, ça. Quand il y a le public. Ah, là, c'est le but. C'est le but. C'est le but, c'est toi. La raison. Ouais, ouais. De pourquoi on fait ça, hein. Mais c'est vrai que voilà, c'est vrai que c'est une pratique quotidienne. Tout le temps. Et qui fait du bien. Jour. Hein? Qui fait du bien au cerveau, qui fait du bien à l'âme. Ouais, l'âme. Ouais. L'âme. À l'équilibre. C'est la musique de l'âme, soul music. La guitare, on a vraiment le bois, tu vois, sur le ventre et les notes, elles passent par le corps, elles passent par les. C'est magnifique. Ouais. Ça vibre. Mmh. Ça, quand la trompette, c'est pareil, toi, chaque matin, tout ton corps vibre. C'est génial le matin. Moi, le matin, il faut pas me... Je suis indisponible le matin. Mm-hmm. Je suis avec mon horn, tranquille, à la maison. Puis, quoi qu'il arrive, je suis avec ma trompette. Et je suis obligé, hein, parce que, bon, c'est physique, il faut le faire. Mm-hmm. Mais j'aime ça, je suis content, ça me... Ouais. C'est mon yoga, quoi. Ouais, c'est équilibré. Bon, écoute, t'as d'autres groupes aussi, tu fais d'autres groupes. Je sais que tu joues avec Daniel Viers. Alors, Daniel, si tu nous écoutes, ouais, je t'ai fait un gros bisou. Parce que t'embrasse bien fort, Daniel. T'es venu quelques fois à l'émission, puis voilà, t'es toujours le bienvenu, tu le sais, hein, je t'invite, tu le sais, je t'ai déjà... Bon, voilà, alors, salut Daniel, bonjour Daniel. Puis là... Dis-moi, tu joues avec l'ensemble dont Daniel ne s'occupe plus, c'est ça? Ouais, j'ai eu plusieurs groupes avec Daniel. On avait un quartet qui s'appelait Dérive. Après, on a travaillé en duo sur un répertoire uniquement de Monk avec Daniel, guitare et sax. Et puis, j'ai rejoint après le workshop la formation qu'a créé Daniel en 2006. Ouais, donc. Alors par contre, il joue plus dedans, Daniel. Donc il y a un nouveau compositeur qui est arrivé, Olivier Roissel. Je sais pas si tu as dû en entendre parler. J'en ai entendu parler. Qui compose pour le musicien qui joue avec vous, là. Qui est saxophoniste et voilà. Non mais il y a un saxophoniste dans votre groupe qui m'a parlé de ça. Ah ouais. Je me souviens pas du nom du gars. Je l'ai rencontré chez Sabine l'autre fois. Ouais, on a Claude Imbert, il y a Arnaud Coel, il y a José Diaz. Et puis Olivier Roinsol qui joue clarinette et les sax aussi. Ouais. Ok, cool. Vous répétez trombone, régulièrement. Flûte traversière. Ouais, on répète tous les 15 jours. Ouais, donc à Saint-Étienne-de-Fontbellon. Très bien. Et là, on a fait un petit concert. C'était vendredi passé. Ok. À la salle des fêtes, ça s'est bien passé. Quand tu fais d'autres concerts, quand tu fais des concerts, là, tu sais que tu peux appeler à la radio. Ouais. Puis l'annoncer. C'est cool. Tu appelles ici à la radio, ouais. Puis les personnes qui vont te répondre, ils vont le mettre sur le Telex, c'est ça? Non? Sylvain va nous dire. Sur le Telex, c'est toi-même qui vas faire l'annonce. Autrement, tu peux vous envoyer soit un fly, soit un mail, et puis nous, on l'annonce dans nos infos culturelles. Ouais, c'est sympa, ouais. C'est à ça que ça sert, la radio. Ça sert à ça. Et la com, c'est très important, c'est sûr. Hein. Donc, après, on communique beaucoup à nous via les réseaux sociaux et puis, tu sais, les mailings et puis les potes. Mais c'est vrai que, il faut que je pense à utiliser Fréquence 7, bien sûr. Bah, franchement. Eh ouais. Yeah. T'as apporté d'autres musiques pour nous? Ouais. Comme? On remet un disque. Alors, on reste à New York. Et donc, ça serait. J'avais marqué. Ça serait Leglund, ouais. Leglund, c'est un guitariste norvégien, je crois, qui vit à New York et qui est remarquable aussi. Donc j'adore ce guitariste, c'est un petit peu le successeur pour moi de Jim Hall. Donc il joue un peu sur les mêmes types de guitares et le phrasé très propre. Yes, on écoute ça, merci. Il de Wild. Thank you.